8-18, observation. Possessif, deuxième personne du singulier, ton, ta, t'es. Masculin, singulier. Tu as un cousin? Ton cousin est sympathique? Féminin, singulier. Tu as une cousine? Ta cousine est sympathique? Tu as une arrière-grand-mère? Ton arrière-grand-mère est sympathique? Masculin et féminin pluriel. Tu as des cousins et des cousines? Tes cousins et tes cousines sont sympathiques? Notez que les possessifs de la deuxième personne du singulier commencent par « t'es »,« ton », »,« ta », »,« t'es », comme les pronoms « tu », »,« te » et « toi ». Les trois formes de la deuxième personne du singulier « ton », ta, t'es, sont parallèles aux trois formes de la première personne du singulier, mon, ma, mais. Devant un féminin singulier commençant par une voyelle, on trouve ton et non